quand il se passe rien à la télé. C'est mon bruit délétère. On a tout notre temps pour parler des chiens écrasés. Chez nos agriculteurs. En effet,